Le vendredi 25 novembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. La ville de Québec est en nomination dans un palmarès des plus belles destinations hivernales en Amérique du Nord. Québec a été sélectionné par un jury de 10 experts en voyage, mandaté par le journal américain USA Today. Une vingtaine de villes s'opposent, dont Lake Louise en Alberta, Ogunquit, Dalmaine, New York ou encore Montréal. Selon le jury, Québec se démarque par son caractère historique, son ambiance festive ou encore ses rues décorées. La population est invitée à voter chaque jour jusqu'au 5 décembre sur le site du quotidien américain. Et le classement étant mis à jour en temps réel, on peut constater que présentement c'est Québec qui domine ce classement et Montréal est en 8e position en ce moment. C'est ce soir que débute la 33e édition d'Opération Nez Rouge, soit une semaine plus tôt qu'à l'habitude. Cette campagne sera donc la plus longue de toute l'histoire de l'organisme. Le service de raccompagnement qui, encore une fois, se donne pour mission d'assurer le transport sécuritaire des automobilistes durant la période des fêtes. Les utilisateurs peuvent utiliser l'application Nez Rouge sur leur téléphone intelligent pour rejoindre la centrale à plus près et connaître le temps d'attente. Cette année, quelques 55 000 bénévoles à l'échelle de la province vont s'activer d'ici le 31 décembre 2016. La Ville de Québec prend les grands moyens pour s'assurer que le déneigement de ses rues se fasse de manière efficace cet hiver. Elle va confier désormais cette tâche à un seul arrondissement pour mettre fin au travail en silo. C'est l'arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge qui sera responsable du déblaiement de l'ensemble du territoire cet hiver. Et en cas de météo extrême, une cellule d'experts sera autorisée afin de décréter des moyens exceptionnels. La Ville de Québec espère s'épargner les problèmes qu'elle a vécu l'hiver dernier, alors que des tempêtes à répétition l'avaient contraint à négliger certains secteurs résidentiels. Enfin, les aubaines du Vendredi fou battent leur plein à Québec comme ailleurs en Amérique du Nord. Selon l'Observateur, pour le Conseil québécois du commerce de détail, près de 35 % des Québécois prévoient participer aux activités commerciales du Vendredi fou et parmi eux, près d'un sur deux entend faire des achats en ligne. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Les accumulations de neige vont atteindre de 2 à 4 cm aujourd'hui. La neige se poursuit au cours de la journée. Le mercure va grimper jusqu'à 1 degré. Ça se réchauffe cette nuit pour atteindre 2 degrés et ce sera une bruine partout sur Québec, sauf à l'intérieur des terres où il pourrait y avoir une faible neige. Des nappes de brouillard vont se former au cours de la nuit, se dissiper demain matin et demain samedi, c'est une bruine qui se poursuit avec 3 degrés. Dimanche, 60 % de probabilité d'averse avec 2 degrés.